Please close your eyes. Fermez vos yeux. And thank God for tonight. Et remerciez le Seigneur pour ce soir. Father, we bless you. We honor you, Lord. We give you the glory. Ask God to bless you with His word. Demande à Dieu de te bénir avec sa parole. Father, we thank you. Bless us with your word. Bless us with your word. Bless us with your word. Change us with your word. In the name of Jesus, Father, may we receive encouragement. May we receive, Lord, salvation. May we receive deliverance, Lord. May we receive direction in the name of Jesus. Father, we thank you. We bless you, Lord. Father, we come against any spirit that will prevent us, any spirit that will come away. Father, we thank you. We give you all the glory. Holy Spirit, we ask for your presence. Come and bless us in the name of Jesus. Amen. Amen. I want us to sing the song. Je veux que nous chantions. Where's Nene? Nene. Nene. You sang. Le premier chant que tu as chanté. Come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come let us worship. Come let us worship and bow down. Let us kneel. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. In French. Prosternons-nous devant le roi. Fléchissons le genou devant le Père. Prosternons-nous devant le roi. Oh, worship the Lord. Fléchissons le genou devant le Père, car il est notre Dieu, et nous sommes, et nous sommes le peuple de son pâturage. Est-ce que tu peux chanter le troupeau que sa main conduit? Le troupeau que sa main conduit. Oh, le troupeau que sa main conduit. Une fois le troupeau que sa main conduit. Le troupeau que sa main conduit. Oh, troupeau, le troupeau que ça m'est conduit. Oh, le troupeau que ça m'est conduit. Le troupeau que ça m'est conduit. Oh, le troupeau que ça m'est conduit. Father, we bless you. We thank you. You lead us. You direct us. You show us the way because you are shepherd. Father, we bless you. We are sheep, Lord. Lead us. Guide us. Bless us. Keep us. Father, we bless you. In the name of Jesus. And everyone say amen. Amen. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Hallelujah. I'm happy to have you here. Je suis content de vous avoir ici. And I believe that God will bless you. Et je crois que Dieu va te bénir. Turn to your neighbor. Tourne-toi vers ton voisin. Tell your neighbor, because you are here. Et dis à ton voisin, parce que tu es ici. Because you are here. Parce que tu es ici. You will be blessed. Tu seras béni. Hallelujah. Amen. Tonight. Ce soir. I want to share something very small. Je vais partager quelque chose de très before petit. Before we go. Avant de partir. Why faith is important. Pourquoi est-ce que la foi est importante? Hallelujah. Amen. Why faith is important. Pourquoi est-ce que la foi est importante? Hallelujah. Amen. You know, we are Christians. Vous savez, nous sommes des chrétiens. And we have a God. Et nous avons un Dieu. We can't see the God we have. Nous ne pouvons pas voir le Dieu que nous avons. Hallelujah. Amen. You can't see him. Nous ne pouvons pas le voir. So you have to believe. Donc tu dois croire. Oh? Ou bien. You have to believe. Tu dois croire. That is there. Qu'il est là. Amen. Amen. You know, we know a lot of, you know, verses about faith and all that in Hebrews chapter 11. Vous savez, nous avons plusieurs versets concernant la foi, dans Hébreux chapitre 11, par exemple. Alléluia. Amen. Can we read Hebrews chapter 11? Hébreux chapitre 11. Alléluia. Amen. Hebrews chapter 11. It says, verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it, the elders obtain a good report. Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which were seen and are seen are not made of the things which do appear. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness, he was righteous, God testifying of his gift, and by it he being dead, yes speaketh. By Enoch was translated that he should not see death, and was found because God translated him, for by his translation he had this testimony that he pleased God. Without faith it is impossible to please God. He that cometh God must believe that he is, and he is the rewarder of them that diligently seek him. By faith, Noah, being warned of God of the things not seen, or the things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heirs of the righteousness which is by faith. By faith, Abraham, when he was called to go into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed and went out, and not knowing whither he went. By faith, he had sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when he was past age, because he judged him faithful who had promised. Hallelujah. Amen. Wow, it's a long passage. C'est un long passage, Hébreux 11, versets 1 à 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un bon témoignage, un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parît plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avec son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit un arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Hallelujah. Amen. Wow. You can see by faith. Vous voyez, par la foi. By faith. Par la foi. Abraham. Abraham. By faith. Par la foi. Noah. Noé. By faith. Par la foi. Enoch. Enoch. By faith. Par la foi. The elders. Les anciens. Hallelujah. Amen. By faith. Par la Sarah. Foi. Sarah. Have you seen? Est-ce que vous avez vu? So by faith. By donc, faith. Donc par la foi. We should be saying that by faith. Alberic. Nous devons aussi dire que par la foi, by Alberic. Faith, Stéphane. Par la foi, Stéphane. Par la foi. Hallelujah. Amen. So you can see that as a Christian, you need to have faith in God. Donc vous pouvez voir qu'en tant que chrétien, tu dois avoir la foi en Dieu. It's an important virtue. C'est une vertu importante. Hallelujah. Amen. It's an important thing to have faith in God. C'est une chose importante d'avoir believe. Foi en Dieu, de croire. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Do you believe? Est-ce que vous croyez? Do you believe? Est-ce que vous croyez? Hallelujah. Amen. I remember I gave you a story of a man. Je me souviens vous avoir donné une histoire d'un homme who walks on a rope. Qui marchait sur une corde. That has been tied from one end to the other. Qui avait été attaché d'un bout à l'autre. On a high mountain, on a high building. Sur un bâtiment élevé. Hallelujah. Amen. He walks on the rope. Il marchait sur la corde. And he can take a wheelbarrow and walk on the rope. Et il peut prendre une brouette et marcher sur la corde. And people were clapping for him. Et les gens applaudissaient clapping. Pour lui. Applaudissaient. Hallelujah. Amen. They were happy. Ils étaient contents. And he asked a question. Et il a posé une question. Do you believe? Croyez-vous? That I can put somebody in the wheelbarrow. Que je peux mettre quelqu'un dans la brouette. And they walk on the rope with the person in the wheelbarrow. Et marcher sur la corde avec la personne dans la brouette. They say yes, we believe. Ils ont dit oui, nous croyons. Everybody said they believe. Tout le monde a dit qu'il croyait. And they were clapping for him. Et ils applaudissaient pour lui. Hallelujah. Amen. But it's okay. Then one of you should come. Et il a dit l'un d'entre vous doit venir. And sit in the wheelbarrow. Et s'asseoir dans la brouette. And I'll walk on the wheelbarrow. Et je vais marcher sur la corde. Will you come? Vas-tu venir? You will not. Tu ne vas pas venir. Why won't you come? Pourquoi ne vas-tu pas venir? Hallelujah. Amen. Yeah. You know. Vous savez. Why is faith important? Pourquoi est-ce que la foi est importante? Hallelujah. Amen. That's the first reason. Ça c'est la première raison. If you believe, que si tu crois, you will walk by faith. Tu vas marcher par la foi. You will take a step. Tu vas prendre un pas. Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce que vous êtes just avec like moi? The man asked, who will come and sit in the wheelbarrow? Juste comme le monsieur a demandé qui va venir s'asseoir dans if la bourse. You believe, si tu crois, you will take a step and go. Tu vas faire un pas et aller. Hallelujah. Amen. But here we are not talking about the man. Mais ici nous ne parlons pas de l'homme. We are talking about God. Nous parlons de Dieu. Hallelujah. Amen. We may not believe the man. Tu ne peux pas croire en l'homme. Maybe when I come and sit in the wheelbarrow. Peut-être quand je vais aller m'asseoir dans la brouette. That will be the first time that the man will not be able to work on the. Ce sera la première fois que l'homme ne sera pas capable de marcher sur la corde et je vais tomber. Because he's a man, or? Parce que c'est un homme ou bien? Yeah. Yeah. But when we say, "Oh, do you believe in God?" Mais quand nous disons, crois-tu en Dieu? A lot of us will lift up our hands. Plusieurs d'entre nous vont lever leurs mains. But inside. Mais à l'intérieur. Really. Vraiment. You don't believe. Tu ne crois pas. Hallelujah. Amen. Because if you believe. Parce que si tu croyais. You will take a step. Tu vas faire un pas. You will do something. Tu vas faire quelque chose. You will come. Tu vas venir. You will pray. Tu vas prier. You will read your Bible. Tu vas lire ta Bible. You obey. Tu vas obéir. You will pay your tithe. Tu vas payer ta dîme. Yeah. Yeah. You will take a step. Tu vas faire un pas. You will take a step. Tu vas faire un pas. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-tu avec moi? Do you understand what I'm saying? Can you hear me? Yes. Me, I can't hear myself well. Oh. Je ne peux pas m'écouter. J'espère que vous m'écoutez. Me, I can't hear myself. 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13. Now abide faith. Hope. Charity. I don't think it's the volume. It's not the volume. I don't know. It's too close. I mean, it's close up. 1 Corinthians 13:13. Now abideth faith, hope, charity. These three, by the greatest of these, is charity. 1 Corinthians 13:13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Verse 6. Verset 6. 2 Corinthians chapter 5 verse 6. 2 Corinthiens 5, 6. Do you have your Bibles? Avez-vous vos Bibles? Are you looking to your Bibles? Est-ce que vous regardez dans vos Bibles? Hallelujah. Amen. We are in church, so you need to have a Bible. Nous sommes à l'église, donc tu dois avoir une Hallelujah. Bible. Amen. If you are leaving your school before coming here. Si tu as quitté l'école avant d'arriver ici. Or you are leaving school and coming here straight. Ou tu as quitté de l'école pour venir ici directement. In the morning when you are going to school, put a Bible in your bag. Le matin quand tu vas à l'école, mets ta Bible dans le sac. Hallelujah. Amen. Come to church with a Bible. Donc viens à l'église avec une Bible. If you don't have a Bible, buy a Bible. Si tu n'as pas de Bible, achète-en une. Who doesn't have a Bible here? Qui n'a pas de Bible ici? At home, you don't have a Bible. À la maison, tu n'as pas de Bible. Everybody. Tout le monde. Oh, okay. Ah, okay. 2 Corinthians 5, 6. Therefore, we always have confidence knowing that whilst we are at home in the world, we are absent from the Lord. For we walk by faith and not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Wherefore, we labor that whether whether present or absent, we may be accepted of him. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. You take a step, you walk. You take a step. You do something. Tu fais un pas, tu marches, tu fais quelque chose. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Let's take the simple ones, like prayer. On va prendre l'exemple d'une chose simple comme la prière. Prayer. La prière. Do you pray? Est-ce que tu pries? If you don't pray, it means I don't believe. Si tu ne pries pas, ça signifie que tu ne crois pas. Hallelujah. Amen. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec you moi? You don't believe. Tu ne crois pas. You don't believe. Tu ne crois when pas. You take, for example, Muslims. Quand tu prends par exemple un musulman. Yeah, I think they pray how many times a day? 5 times. Je crois qu'il prie 5 fois par jour. Whether rain or shine. Qu'il pleuve ou qu'il que le soleil brille. Whether they are school or they are home. Qu'ils soient à l'école ou à la maison. Whether they are in the aeroplane or they are in the car. Qu'ils soient dans l'avion ou dans la voiture. Bishop told us one day that he was in a plane. L'évêque nous a dit un jour qu'il était dans un avion with a Muslim. Avec un musulman. Then they were in the air. They were ils étaient going. Dans les airs. Then all of a sudden he got up. Et tout soudainement il s'est levé. Then went to pick his something from the where they put the things. Et il allait prendre quelque chose dans and la soute. Call it the compartment. Dans la soute. Hallelujah. Hein? Then, dans le casier. Hallelujah. Are you translating well? Careful. So he took it. Donc il a pris some round something. Quelque chose. Then he came to put it in front of bishop. Il est venu mettre ça devant in the plane. Dans l'avion. Then he started. Et il a commencé. He was praying. Il priait. He was praying. Il priait. Hallelujah. Amen. He was praying in the plane. Dans l'avion. You when you sit in the plane, do you pray? Toi quand tu t'assois dans l'avion, est-ce que tu pries? When you sit in a taxi, do you pray? Quand tu t'assois dans un taxi, est-ce que tu pries? You get up in the morning, you haven't prayed. Tu te lèves le matin et tu n'as in pas the prié. Car, you can pray. Dans la voiture, tu peux prier. Because you believe in a God. Parce que tu crois en un Dieu. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. If you believe in God, you thanks. Si tu crois en Dieu, tu vas prier en langue. Bantele bebele bebe kele mambro sele maba kala shambo. Yi kele bebele bebe. Do you believe? Est-ce que tu crois? Do you believe in tongues? Est-ce que tu crois en parlant en langue? Do you believe that is you are praying to God? Est-ce que tu crois que do you tu believe that God Dieu? Can hear you? Est-ce que tu crois que say Dieu peut t'écouter? Say something that is stupid, is foolish. Dire quelque chose qui est stupide. You're saying something now you don't understand. Tu es en train de dire quelque chose que tu ne comprends pas. As if you are a fool. Comme si tu étais fou. Yeah, that is faith. C'est ça la foi. That is faith. C'est ça la foi. Hallelujah. Amen. Do you believe? If you believe, you come to church. Si tu crois, tu vas venir à l'église. You take a step and come. I'm tu vas coming. Faire un pas et venir. I'm coming. Je viens. I'm praying. Je prie. I'm reading my Bible. Je lis ma Bible. You take a step. You are simple things. Des choses très simples. Simple things. Des choses très simples. Hallelujah. Amen. Do you understand what I'm saying? Si vous comprenez yeah. ce que j'ai if dit. You believe, you si would, tu crois, you will do it. Tu vas le faire. You will do it. Tu vas le faire. You will obey. Tu vas obéir. Some of us we don't believe, so we can't obey the word of God. Certains d'entre nous ne croyons pas, donc nous ne pouvons pas obéir à la parole de Dieu. We can't obey. Nous ne pouvons pas obéir. Wow. Wow. Are you here? Êtes-vous ici? Yeah. If you believe, si tu crois, you will forgive. Tu vas pardonner. You forgive. Tu vas pardonner. You know there are simple instructions that God gives us. Il y a des instructions très simples que Dieu nous a données. But if we don't start to obey them, mais si nous ne commençons pas à les mettre en pratique, and obey, croire et obéir, we can't go far with God. Nous ne pouvons pas aller loin avec Dieu. Hallelujah. Amen. Yeah. So the first reason why faith is important because donc la première raison pour laquelle la foi est importante faith makes you take a step. C'est parce que la foi te fait faire un pas. Take a step. Ça te fait faire un pas. Take a step. Prendre un pas. It's possible. C'est possible. I believe. Je crois. So I'm doing it. Donc je le fais. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec the moi? Second reason. La deuxième raison. Faith makes you live by faith. Tu vis par la foi. La foi te fait vivre par elle. No. You live by faith. Tu vis par la foi. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Still I'm shouting, but I don't know. I don't like the sound at all. Forgive. Hallelujah. Romans chapter 1. Romains chapitre 1. Romans chapter 1 verse 16. Romains 1, 16. We live by faith. We live by faith. Romans chapter 1 verse 16. Are you there? Are you there? Êtes-vous là? Are you there? Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Hallelujah. Respond, eh? Répondez. I know we are all tired. Je sais que nous sommes tous fatigués, mais... Respond, okay? Répondez. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17. Therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. It, as it's written, the just shall live by faith. Romains 1, versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Yeah, we live by faith. Nous vivons par la foi. You believe. Tu dois croire. And you move. Et tu avances. You know, hope, the difference between hope and faith. Vous savez la différence entre l'espoir et la foi. Hope, so okay, it will happen. L'espoir, c'est ok, ça I'm va arriver. Seeing the thing in the future. Je vois la chose dans le futur. But faith is has happened. Mais la foi, c'est déjà arrivé. Hallelujah. Amen. So as Christians, donc en tant que chrétiens, we hope to see God one day. Nous espérons voir Dieu un but jour. We believe God is here. Mais nous croyons que Dieu est ici. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? And so, whatever situation we find ourselves, donc quelle que soit la situation dans laquelle we need nous nous to believe that God is doing something. Nous devons croire que Dieu est en train d'agir. Let's say you are in a very difficult situation. Supposons que tu es dans une situation compliquée. And it seems impossible that things will change. Et il semble impossible que les choses vont changer. Hallelujah. Amen. But as a Christian, mais en tant que chrétien, you need to say that it's happening. Tu dois te dire que c'est en train d'arriver. Or else you can kill yourself. Ou alors tu peux te suicider. Hallelujah. Amen. You can kill yourself. Tu peux te suicider. Yeah, that's the difference between a Christian and somebody who's not a Christian. Ça, c'est la différence entre un chrétien et une personne qui n'est pas a chrétienne. A Christian has hope. Un chrétien a l'espoir. And a Christian has faith. Et un chrétien a la foi. Hallelujah. Amen. That is present. Que c'est présent. That the situation is changing. Que la situation est en train now. De changer maintenant. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec so moi? We need faith to live as a Christian. Donc nous avons besoin de la foi if pour vivre en tant que chrétien. Faith, si tu n'as pas la foi, you cannot continue the walk with God. Tu ne peux pas continuer la marche avec Dieu. Yeah. Yeah. Or else if you fail your exam. Ou alors si tu échoues à ton examen, you can leave. You can leave God. Tu peux abandonner you say Dieu. God does not exist. Tu vas dire que Dieu n'existe pas. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Like last month or a few weeks ago, our brother died. Comme il y a quelques semaines de cela, notre frère est mort. He died. Il est mort. Yeah. Yeah, he died, but we believe that God exists. Il est mort, mais nous croyons que Dieu existe. Oh? Ou bien God exists. Dieu existe. Because those that come to God must first believe that He is. Parce que ceux qui viennent à Dieu doivent premièrement croire qu'il est. Qu'il est. He is. Qu'il est. He is the rewarder. Il est le rémunérateur. Hallelujah. Amen. And He says that all things work together. Et il dit que toutes choses concourent au bien. All things work together. Toutes choses concourent au all bien. All things work together. Toutes choses concourent au Hallelujah. Bien. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Whether it's good or it's bad, it's working together que ça for soit your good. Que ça soit bon ou mauvais, ça concourt à ton Am bien. Am I too fast? Am I too fast? Hallelujah. Amen. Are you with me? So all things work together for us. Donc toutes choses concourent à notre bien. So when somebody disappoints you, donc quand quelqu'un te déçoit, you don't kill yourself. Tu ne te tues pas. Because you believe that God is working things for parce you. Parce que tu crois que Dieu est en train de faire marcher les choses pour toi. Yeah. You don't kill yourself. Tu ne te tues pas. You don't despair. Tu ne désespères pas. Yeah, you don't despair and say that okay, I'm giving up. I want to kill myself. It's finished. Tu ne désespères pas et tu ne dis pas ok, c'est bon, j'abandonne, like je vais me tuer. Like a boy breaks your heart, breaks your heart. Comme un garçon qui brise ton cœur. Then it's like that's the end of the world. Et c'est comme si c'était la fin du monde. No. Non. No. All things work together. Toutes choses concourent au bien. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you with me? Yeah. Yeah. So we live by faith. Donc nous vivons par la foi. Do you believe? Est-ce que tu crois? Do you believe that God exists? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Do you believe that God is working for you? Est-ce que tu crois que Dieu travaille pour toi? Do you believe that God is protecting you? Est-ce que tu crois que Dieu te protège? Do you believe that God is defending you? Est-ce que tu crois que Dieu te défend? Do you believe that you will not die now? Est-ce que tu crois que tu vas pas mourir maintenant? Est-ce que tu crois? Even though some people are dying, bien que certaines personnes meurent, do you believe that you are not going to die? Mais toi, tu crois que tu ne vas pas mourir? Oh? Ou bien? Hallelujah. Amen. Do you believe? Est-ce que vous croyez? Ask your neighbor, do you believe? Demande à ton voisin, est-ce are you que tu sure? crois? Es-tu sûr? The Christian walk is by faith. La marche chrétienne, c'est par la foi. Not by sight. Pas par la vue. Not by what you see. Pas par ce que tu vois. Yeah, because what you see discourages you. Parce que ce que tu vois te décourage. Or, ou bien. Yeah, when you see things around you, you say, ah, wow. Quand tu vois les choses autour de toi, tu dis wow. Discouraged. Tu peux facilement être découragé. School. À l'école. Hey. Oh. I used to be discouraged, pal. J'avais l'habitude d'être vraiment très découragé. Because I used to be poor, pa. Parce que j'étais vraiment pauvre. I used to be poor. J'étais pauvre. A poor boy. Un pauvre garçon. In the midst of riches. Au milieu des richesses. Hallelujah. Amen. You can easily lose hope. Tu peux facilement perdre espoir. Hallelujah. Amen. But God is working for you. Mais Dieu travaille pour toi. Whatever the situation you find, so God is working for Quelle you. Que soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu you travaille pour believe. Toi. Tu dois juste croire. Amen. Amen. Yeah. Yeah. You may have, maybe you have a situation, maybe the family, your father, mother. Peut-être tu as une situation, ta famille, and ton père ou ta mère. Your, maybe it's affecting your school. Peut-être que ça affecte tes études. It's affecting your stay in Ghana. Ça affecte ta durée au Ghana. It's affecting your whole life. Ça affecte ta vie entière. But you need to believe that God is doing something for you. Mais tu dois croire que Dieu fait quelque chose pour toi. Yeah. Because you can easily lose hope. Parce que tu peux facilement perdre espoir. Yeah. A lot of things happen around you. Plusieurs choses se passent autour de nous. Yeah. Like when you listen to the news. Comme par exemple, tu écoutes des informations. And they talk about the war in Syria. Et on parle de la guerre en Syrie, en Irak. Israel something. En Israël quelque chose. You can easily believe that there's war is going to happen in Ghana tomorrow. Tu peux facilement croire qu'il y aura la guerre au Ghana demain. Or, ou bien. Yeah. As Russia has moved to Syria, it's going bombing things like. La Russie est allée en Syrie pour aller bombarder et c'est comme tout le monde a peur. Hallelujah. Amen. Yeah. I remember when I went to Israel. Je me souviens quand j'étais en Israël. I was shocked. J'étais très choqué. I was shocked. Why? Because. When during the period that I stayed there, parce que durant la période où j'étais là-bas, 2 weeks, 2 semaines, I did not hear anything about war. Je n'ai rien entendu concernant la guerre. Maybe because of where we went to Galilee, nous sommes allés à Galilée, Jérusalem, Bethlehem. What did he say? Capernaum. Capernaum. Have you heard of Capernaum before? Est-ce que vous entendu parler de went Capernaum? Went to Peter's house. Nous sommes allés à la maison de Pierre. Went to where did Jesus stayed? Jesus was going to Bethlehem, but where did he stay? Où est-ce que Jésus restait? Nazareth. À yes, Nazareth. Went to Nazareth. Sommes allés à Nazareth. Went to where Mary, where Jesus was raised up. Sommes allés où Jésus a été élevé. Hallelujah. Amen. Went to their house. Sommes allés dans leur maison. They built a church there. Ils ont construit l'église là-bas. Went to Galilee. Sommes allés à Galilée. Capernaum. À Capernaum. Peter's house. À maison de Pierre. Went to the synagogue where Jesus went to pray, went to preach. À la synagogue où Jésus prêchait. Yeah, went to the how do you call it? The baptismal where Jesus was baptized. Sommes allés où Jésus s'est fait baptiser. Yeah, in Jordan. Yeah, in Jordan. Le Jourdain. I was baptized. J'ai été baptisé. I was baptized for the second. Je fus baptisé. Because some people are asking, can I baptize twice? Me, I was baptized again. Parce que les gens posent la question, est-ce que je peux me faire baptiser deux fois? Mais moi, je me suis fait baptiser une deuxième fois. How many times? Who said we can baptize? Qui a dit que tu peux pas te faire baptiser deux If fois? If I go there today, I'll baptize myself. Si je vais là-bas aujourd'hui, je vais me faire baptiser encore. Hallelujah. Amen. Yeah, yeah. We went to the garden of Gethsemane. Nous sommes allés au jardin de Gethsemane. Where Jesus prayed and sweat blood. Où Jésus a prié et sa sueur s'est transformée en sang. There's a church there. Il y a une église and là-bas. The garden is there. The trees, the old trees are there. Et tous les arbres sont là. Yeah. But during that time, mais you hear of any bomb or war, ain't nothing. Tu ne vas rien écouter concernant une bombe ou la guerre, rien du tout. What am I trying to say? I'm trying to say that if you want to listen to the bad news, ce que j'essaie de dire, c'est que si tu veux écouter les mauvaises nouvelles, to people who are discouraging you, que tu veux écouter aux personnes qui te découragent, you will not believe that God exists. Tu ne vas pas croire que Dieu existe. From today, if you have somebody who is saying bad things to you, you will not prosper, you will not succeed, you will fail. À partir d'aujourd'hui, si tu as quelqu'un qui te dit toujours les mauvaises choses, comme tu ne vas pas réussir, tu vas échouer, tu ne vas pas prospérer, leave the person. Laisse la personne. Hallelujah. Amen. Leave the person. The person shouldn't be your friend. La personne ne doit pas être ton ami. Because it will take away your faith. Parce que ça va enlever ta foi. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? So a Christian lives by faith. Donc un chrétien vit par la foi. I believe. Je crois. I believe. Je crois. Things are happening around me, but I believe God. Choses se passent autour de moi, that mais it will je crois. Be well with me. Je crois que ça it va aller avec well. Moi. Je crois que ça va aller. Yeah. That's why I like singing that song. Voilà pourquoi j'aime chanter ce chant. God is fighting for us. Dieu combat pour nous tous. Yeah, that's why I like the song. Voilà pourquoi j'aime ce chant. The more I sing it, plus je le chante, the more my faith is. Plus ma foi. Yeah, God is fighting for me. Dieu combat pour moi. God is with me. Dieu est avec moi. I will not die. Je ne vais pas mourir. I will not die. Je ne vais pas mourir. I will not die. Je ne vais pas mourir. Because God is protecting me. Parce que Dieu est avec I moi. I will do well. Je vais réussir. I will do well. Je vais réussir. I'm blessed. Je suis béni. You are blessed. Tu es béni. Yeah. God says you are blessed, so you are blessed. Dieu dit que tu es béni, donc tu es béni. Yeah. A man will say you are not blessed, but God says you are blessed. Un homme va dire tu n'es pas béni, which mais Dieu dit tu es béni. Lequel vas-tu croire? Which one will you believe? Lequel vas-tu croire? Yeah. Hallelujah. Amen. God is blessing you. Dieu te bénit. God is blessing you. So we live by faith. Donc nous vivons par la foi. 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthiens chapitre 17. 4 verset 17. Que verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. For which cause we faint not, though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Verse 17. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but what the things which are not seen are eternal. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Bible says that our light affliction. La Bible dit que nos légères afflictions. Your light difficulty. Tes légères difficultés. Hallelujah. Amen. Are temporal. Sont temporaires. Yeah, tonight I want to tell you that situation is temporal. Ce soir, je veux te dire que ta situation est temporaire. It's limited in time. Limité à par le temps. Hallelujah. Amen. Are you with me? Vous êtes avec moi? Light affliction, you suffer small. Tu souffres un peu. That's what he's saying. Light affliction is light. Les afflictions légères, c'est petit. It's limited. C'est limité. It's temporal. C'est temporaire. It's not forever. C'est pas pour toujours. Can you think about your situation now? Est-ce que tu peux penser à ta situation maintenant? Are you in a difficulty now? Es-tu dans une situation difficile maintenant? The Bible says that it's temporal. La Bible dit que c'est temporaire. And it's very light. Et c'est très léger. It's very small. C'est très petit. To the glory. Pour la gloire. To the blessing of God. À la bénédiction de Dieu. It's very small compared to the blessing that God is bringing. C'est très petit comparé à la bénédiction que Dieu t'apporte. Est-ce que Can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'écouter? You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez you understand ce que the Bible? Est-ce que vous comprenez It's la saying Bible? That your difficulty now is very small compared to the blessing that God is bringing. Ça dit you. Que ta difficulté présente est très petite comparé à la bénédiction que Dieu t'apporte. Do you believe it? Est-ce que tu crois? It's faith by faith. Par la foi. By faith. Par la foi. Hallelujah. Amen. Wow. Wow. Wow. That's the second one. The first one, we walk by faith. The second one, live by faith. La première chose, c'est que nous marchons par la foi. La deuxième, nous vivons par la foi. Hallelujah. Amen. The third one, la troisième, we are justified by faith. Nous sommes justifiés par la foi. Justified. Justifié. Justified. Justifié. Justified. Justifié. Romans chapter 5, verse 1. Romains 5, 1. We are justified. Nous sommes justifiés. Romans chapter 5 verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. Hallelujah. Amen. Yeah. What does it mean? Qu'est-ce que ça signifie? Justified. Justifié. It's as if you have not sinned. C'est comme si tu n'avais pas péché. Yeah, that's what it means. C'est ce que ça signifie. Hallelujah. Amen. You are become just. Tu es devenu juste. As you haven't sinned before. Comme si tu n'as jamais péché auparavant. But it comes by faith. Mais ça vient par la foi. Hallelujah. Amen. Do you believe that Est-ce you have not sinned before? Que tu n'as pas péché auparavant. Tu n'as jamais péché. Yeah. Righteousness. La justice. Justification. La justification. Hallelujah. It's a foundational doctrine. C'est une doctrine fondamentale. Hallelujah of Christianity. De la chrétienté. And if you believe God has forgiven you. Si tu crois que Dieu t'a pardonné. You are forgiven. Tu es pardonné. As if you have not sinned before. Comme si tu n'as jamais péché auparavant. Yeah? If it's not this verse, we all of us will not be here. Si ce n'était pas à cause de ce verset, nous tous ne serons pas ici. Yourself, you know yourself. Même toi-même tu te connais. The things that you've done. Les choses que tu as faites. The things that you've stolen. Les choses que tu as volées. Yeah. The things that you've stolen. Les choses que tu as volées. The girls that you've looked at. Les filles que tu as regardées. And say, I appreciate your structure. That's Et tu as dit, j'apprécie la structure. For all you know, you are lasting. Parce que d'ici que tu te rends compte, tu es en train de convoiter. Yeah. And it's sin. Et c'est un péché. Hallelujah. We know ourselves. Do you understand? Nous nous connaissons. And God knows us. Et Dieu nous connaît. Bible said that He knows our frame. La Bible dit qu'il connaît nos. How we are made. Comment nous sommes faits. The frame. How we are made. Notre, how we are created. Nous sommes créés notre structure. Hallelujah. Amen. So He said that when you believe. Il dit que quand tu crois. You are justified. Tu es justifié. As if you have not sinned before. Comme si tu n'as jamais péché. Wow. Wow. Is it good? Est-ce que c'est bien? Is it a good thing? Est-ce que c'est une bonne chose? Yeah. Yeah. It's come by faith. Et ça vient par la foi. Faith. Par la foi. Wow. Wow. Yeah. Hebrews chapter 4. Hébreux chapitre 4. Verse 15. Verset 15. I like this verse 15-16. Hebrews chapter 4 verse 15-16. For we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmity, but was with all point tempted like as we are, yet without sin. 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace in time of need. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec We moi? Come boldly to church. Nous venons avec courage à l'église. Because God has forgiven us. Parce que Dieu nous a pardonné. We come boldly to God nous venons in prayer. courageusement because en prière. We know that he's a forgiving God. Parce que nous savons que c'est un Dieu qui pardonne. Because we believe. Parce que nous croyons. He's forgiving us. Qu'il nous pardonne. We believe. Nous croyons. He's not marking our sins. Qu'il ne marque pas nos péchés. Hallelujah. Amen. Are you with me? Vous êtes avec moi? Yeah, I'm saying that you ask for forgiveness in forgiveness. Je ne dis pas que. I'm not saying that go and sin. Je n'ai pas dit va pécher. And that's what the Bible is saying. Et c'est pas ce que la Bible dit. You understand? Vous comprenez? Yeah, but when it happened, et quand ça arrive, and you ask for forgiveness, et tu demandes pardon, and you repent, et tu te repens, God takes if you have sinned before. Dieu fait comme si tu n'avais jamais péché. But you need to believe that. Mais tu dois croire cela. Because some of us we are still condemning ourselves. Parce que certains de nous nous condamnons toujours. Can God forgive me? Est-ce que Dieu m'a pardonné? Am I just? Est-ce que je suis juste? The Bible says that the just shall live by faith. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Me, I'm not just. Moi, je ne suis pas juste. Some people are saying it. Certaines personnes le disent. Oh. Ou bien. Oh. Oh. Ou bien. Yeah. Yeah. But when you believe, mais quand tu crois, God forgives. Dieu pardonne. As if you have not sinned before. Comme si tu n'as jamais péché. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Understand the word? Est-ce que vous comprenez That's la parole? Why faith is important. Voilà pourquoi la foi est importante. Without faith, sans la foi, you will think that you are a sinner. Tu vas penser que tu es un pécheur qui ne peut pas aller au ciel. Oh? Ou bien? Yeah, it's by faith. C'est par la foi. Hallelujah. Amen. That's why all of us we are here. Voilà pourquoi nous tous nous sommes ici. Yeah, all here. Nous sommes tous ici. We are all sinners. Nous sommes tous pécheurs. Serious sinners. Des sérieux pécheurs. We have committed a lot of abominable things. Nous avons commis beaucoup de choses abominables. Is it true or not true? C'est vrai ou c'est faux? La manière dont vous me regardez. The way you are looking at me, and la manière dont vous me regardez, je vous regarde aussi. Yeah. Yeah. But we have a good God. Et nous avons un bon Dieu. Who forgives us? Qui pardonne. Hallelujah. Amen. The fourth thing, la quatrième chose, and I'm ending with this one. Et je termine avec ça. Hallelujah. Amen. We cannot have access to God without faith. Nous ne pouvons pas accéder à Dieu sans la foi. Hallelujah. Amen. Romans chapter 5 verse 2. Romains 5, 2. By whom also we have access by faith unto the grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Romains 5, 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous ici? We come to God in faith. Nous venons à Dieu par We la can foi. Access God by faith. Nous pouvons accéder à Dieu par la foi. You know, sometimes I tell people that your cry will not do anything to God. Quoi dit à ces personnes que tes pleurs ne vont rien faire à Dieu. Your worry will not change the mind of God. Tes inquiétudes ne vont pas changer la pensée de Dieu. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah, your tears alone. Tes larmes seules. Will not move God. Ne vont pas toucher Dieu. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. What moves God? Ce qui touche Dieu. Is your faith. C'est ta foi. Hallelujah. Amen. Yeah. Because we keep on worrying about the things we worry. Parce que nous continuons toujours à nous inquiéter. Nous pleurons. We cry. Nous pleurons. We are depressed. Nous sommes déprimés. We don't believe. Et nous ne croyons pas. It will not change it. It will not change it. Ça ne va rien changer. It will not change the situation. Ça ne va pas changer la situation. It's by faith. C'est par la foi. It's by believing. Si tu crois. You can be crying. I'm not saying you can't cry. You can cry. Je n'ai pas dit ne pleure pas. Tu peux pleurer. But you need to believe God. Mais tu dois croire en Dieu. Yeah. You need to believe God. Tu dois croire en Dieu. Hallelujah. Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi? And worry et is not good. Et s'inquiéter, c'est pas une bonne chose. Yeah. Worry. Les inquiétudes. When you worry, it means that you don't believe. Quand tu t'inquiètes, c'est que tu ne crois pas. Yeah. It's the opposite. C'est l'opposé. Because you don't believe that God can do it. Parce que tu ne crois pas que Dieu peut le faire. You don't believe that God hears you. Tu ne crois pas que Dieu t'entend. Hallelujah. Amen. That's why you worry. Voilà pourquoi tu t'inquiètes. Wow. Wow. So tonight. Donc ce soir. And a subsequent night by the grace of God. Et les nuits qui arrivent. Amen. Amen. We'll learn a lot of things about faith. Nous allons apprendre beaucoup de choses sur la foi. And that will help you. Et ça va t'aider. To develop strong faith. À développer une foi très forte. There are a lot of levels of faith. Parce qu'il y a plusieurs little niveaux de foi. Faith, la petite foi. Strong faith. La foi forte. Exceedingly great faith. Une foi extrêmement abondante. Extrêmement grande. Exceedingly great faith. Exceedingly great faith. Une foi qui dépasse. Exceedingly great faith. Exceedingly great faith. Une foi excessive. I think it's une foi excessivement grande. Yeah, that's what it is. Great faith. But there's little faith. Mais il y a une petite foi. Weak faith. Very weak. Une foi faible, très faible. Hallelujah. Amen. But God is going to help you. Mais Dieu va t'aider. To have great faith. Pour avoir une grande foi. To have strong faith. Pour avoir une foi forte. In the midst of temptations. Au milieu des tentations. It's faith that will deliver you. C'est la foi qui va te délivrer. Yeah. You understand? Yeah. Vous to comprenez? Be able to steal somebody. You're in front of somebody's phone. Tu peux. And you want to steal the phone. Et tu veux voler le téléphone de quelqu'un devant la personne. What will deliver you is faith. Ce qui va te délivrer, c'est la foi. Yeah, because you believe. Oh, I believe that God will give me a phone. Parce que tu crois que Dieu va te donner un téléphone. Je ne vais pas voler ce téléphone. Oh? Ou bien? Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est yeah. faux? Yeah. Yeah. Yeah. For a girl not to undress. Pour qu'une fille ne se déshabille pas. In front of a boy. Devant un garçon. Is faith. C'est la foi. Because we live by faith. Parce que nous vivons par la foi. Yeah. Yeah. Because most of the girls. Parce que la plupart des filles. Is fear. C'est la peur. Opposite of faith. L'opposé de la foi. I'm afraid that the guy will leave me. J'ai peur que le garçon va me quitter. You don't believe that God, if he leaves you, God can give you another person. Tu ne crois pas que si s'il te quitte, Dieu va te donner quelqu'un d'autre. It's faith. C'est la foi. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? It's faith. C'est la foi. So a lot of us we don't believe. Donc plusieurs d'entre nous ne croyons pas. Yeah? Like a boy. Comme le garçon. A boy. Un garçon. A boy. Un garçon. Should I say what? Dois-je dire? A boy. Yeah. It's faith. C'est la foi. That will tell you that if it I don't ejaculate. Qui va te dire que je n'éjacule pas. If I don't ejaculate. Que si je n'éjacule pas. I will not die. Je vais pas mourir. Because some of you think that you die. Parce que certains garçons pensent qu'ils vont mourir. Okay. Pardonnez. There are children here. There are children. Il y a des here, enfants so. Ici. Il y a des enfants ici. Yeah. You will not die. Tu ne vas pas mourir. Because some of you think that you die. Parce que certains d'entre vous pensent que vous allez mourir. Something bad will happen to you. Quelque chose de mauvais va t'arriver. Sometimes your friends will tell you that you'll be mad. Parfois tes amis vont te dire que tu seras fou. Yeah. Some virgins. Certaines vierges. Have been divergents. Ont été des vierges. Because they are afraid that they will go mad. Parce qu'elles ont peur qu'elles vont devenir folles. Yeah. Yeah. Yeah. Some of you, it's you. C'est vous, certains d'entre vous, c'est vous. Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est faux? Some of you are afraid that you go mad. Certains d'entre vous avez peur d'être fou. Huh? Or your friends have deceived you. Ou tes amis t'ont trompé. Yeah, but what I'm trying to say, what you need to understand that is faith. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que if you believe God, si tu crois en Dieu, you will not do that. Tu ne vas pas faire ça. Yeah, if you believe God. Si tu crois en Dieu. Hallelujah. Amen. Are you blessed? Please stand on your feet. Levez-vous, s'il vous plaît. We'll continue next week. Nous allons continuer la semaine prochaine. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. You need faith to walk. Tu as besoin de la foi pour marcher. You need faith to live. Tu as besoin de la foi pour vivre. You need faith. Tu as besoin to de la foi. Have access to God. Pour accéder à Dieu. You need faith. Tu as besoin de la foi. To be justified. Pour pour être justifié. You need to believe that as you are standing here. Tu dois croire que alors que tu te tiens ici. You need to believe that I'm justified. Tu dois croire que je suis justifié. Because God has forgiven me. Parce que Dieu m'a pardonné. I've not done that thing. Je n'ai pas fait cette chose. It's as if I've not done it. C'est comme si je ne l'avais pas fait. Before God, I've not done that thing. Devant Dieu, je n'ai Because pas fait God cette has chose. Forgiven me. Parce que Dieu m'a pardonné. He says he's faithful and just to forgive. Il est fidèle and et juste to cleanse me with the blood. Me laver avec le so sang. I'm justified. Donc je suis justifié. Oh, I can go to God. Je peux aller à Dieu. Boldly. Avec assurance. Boldly. Avec assurance. Boldly. Avec assurance. Boldly. Avec assurance. By faith. Par la foi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Close your eyes and pray tonight. Ferme tes yeux et prie ce soir. That you are blessed by faith. Que tu es béni par la foi. You have victory by faith. Que tu as la victoire par la foi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. God will do it. Dieu va le faire. He will do it for your family. Il va le faire pour ta famille. He will do it for you. Il va le faire pour toi. The situation is temporary. La situation est temporaire. It's a light affliction. C'est une affliction légère. It's a light affliction. C'est une affliction légère. It's smaller than the blessing of God. C'est plus petit que la bénédiction de Dieu. Et ça va passer. I want you to pray. Je veux que tu pries. And commit yourself to God. Et remets-toi entre les mains de Dieu. And pray that God. Et prie que Dieu. Help me to believe. Aide-moi à croire. Help me to believe. Aide-moi à croire. Help me to believe you. Aide-moi à croire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh, he that cometh to God. Celui qui va à Dieu. He that cometh to God. Celui qui va à Dieu. Must believe. Must believe. Doit croire. That God exists. Que Dieu existe. God is real. Que Dieu est réel. And is the rewarder. Et il est le rémunérateur. To them that diligently seek him. De ceux qui le cherchent. Father, we bless you. We thank you. Pray. Bro, celeba, kalamambro, sikelebro. Bro, celebebe, kele chambro, celebebe. Ikele mambro sele baba kele shambra ele bro tele bebe le bebe ke bebe le bebe ele bro tele bebe ke bebe le bebe ikele mambro sele baba bala baba. God is fighting for you. God is fighting for you. God is fighting for you. God is fighting for your family. God is fighting for your life. He's fighting for your school. You will finish your school. It is possible. He has said it. He will do it. He is not a man that he will lie. Oh, Father, we pray in the name of Jesus Christ. Because you promise. Because you promise. I want to believe your promises. I want to believe what you said about me. I want to believe that you will do it. In the name of Jesus. Oh, lebro selebaba kele shambo. Oh, Father, we bless you. Father, we honor you. Seigneur, nous t'adorons. Father, we bless you. Seigneur, nous te bénissons. We give you glory. Te donnons la gloire. You will not die. Tu ne vas pas mourir. Your mother will not die. Ta mère ne va pas mourir. Your father will not die. Ta mère ne va pas mourir. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Because God is protecting you. Parce que Dieu te protège. God is delivering you from evil. Dieu te délivre du mal. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. 10,000 will fall at your right hand. 10,000 vont tomber à ta droite. 10,000 will fall at your left hand. 10,000 à ta gauche. And none shall come near you. Et tu ne seras pas atteint. Because of the protection of God. À cause de la protection. God is bringing angels. Dieu apporte des anges. To protect you, te protéger, to deliver you, te délivrer, to hold you te soulever, from evil. God is covering you with his feathers avec ses plumes, in the name of Jesus au nom de Christ. Jésus. You are hiding tu es caché under the secret place of the Most High dans la place secrète in the Dieu, name of Jesus au nom de Christ. Jésus. I pray for the angels of the Lord je prie pour les anges to keep Seigneur, you, pour te garder, to keep you te garder, in the name of Jesus au nom Christ. De Jésus. God is the Father. Dieu est le Père. God is a provider. Dieu est le pourvoyeur. He's a provider. Il est le pourvoyeur. He will provide for you. Il va pouvoir pour He will toi. Provide for your Il family. Va pouvoir pour ta famille. Say amen. He will provide amen. For your family. Il va pouvoir He pour provide toi. For you. Il va pouvoir He pour provide toi. For your family. Il va pouvoir pour In ta the famille. Name of Jesus Au Christ. Jésus. You will not lack. Tu vas pas manquer. Because he's your shepherd. Parce qu'il est ton berger. He's your shepherd. Il est ton berger. He's your shepherd. Il est ton berger. And you will not lack. Et tu vas pas manquer. He will provide. Tu vas avoir. He's a provider. Il va pouvoir. He's a provider. Il va pouvoir. He's a provider. Il va pouvoir. He's a provider. Il est Jehovah Jireh, who provide. Il va pouvoir. In the name of Au nom de Jésus. Father, we thank you. Seigneur, nous te bénissons. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are you blessed? Êtes-vous béni? You are blessed. Tu es béni. Believe that you are blessed. Crois que tu es béni. Believe that you are blessed. Crois que tu es béni. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we thank you. I remember. Je me souviens. I remember. Je me souviens. One day when Bishop said, un jour quand l'évêque a dit, you are receiving a car. Tu reçois une voiture. At that time, à ce temps, I was champion walker. J'étais un champion à la marche. Champion walker. Un champion à la marche. Kaneshi Circle. Kaneshi Circle. Yeah. Walker. Un marcheur. How to link? Comment relier? One place to another. Une place à une autre. Yeah, I was champion. J'étais champion. If you come, I'll show you how to. Si tu viens, je vais te montrer comment faire de cercle Kaneshi à Beka, où passer. To make it easy for you to get to your house. Pour faire ça facile pour toi, atteindre ta maison, yeah. Je peux te montrer. But Bishop said you are receiving a car. Mais l'évêque a dit tu reçois une voiture. Hey, I was standing there. I said, hey. Et j'étais debout là, j'ai dit hey. This car, cette voiture, c'est une voiture spéciale. Said, I receive it. J'ai dit je reçois. There is nothing. Il n'y a rien. There is nothing. Il n'y a rien. At that time. À ce temps. Because the Bible says that we are not walking by sight. Parce que la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue. Ce que tu vois autour. The way I'm dressed. La façon dont je suis vêtu. It's not by the way I'm dressed. Non, c'est pas par la façon dont je suis habillé. It's by faith. C'est par la foi. At that time, there was nothing. À ce temps, il n'y avait rien. That shows that. Qui montrait que. Why I would drive a car. Un jour, j'allais conduire une voiture. You understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah. But I said, okay, let me receive it. Mais j'ai dit ok, je reçois cela. I receive a car. Je reçois une voiture. I was a poor boy. J'étais un pauvre garçon. In church. Dans l'église. But. Mais. By God's design. Par l'action de Dieu. God's arrangement. Par l'arrangement de Dieu. Today, grandma, I'm driving, I'm tired. Aujourd'hui, je conduis, mais je suis fatigué. Je suis fatigué. Alléluia. Amen. God is going to change your... Dieu va venir changer ta situation. Don't let the devil deceive you. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. You are a poor girl. You are not a poor girl. Tu es une pauvre. Tu n'es pas une pauvre. You are a child of God. Tu es l'enfant de Dieu. Yeah. Yeah. Bible says that. Silver and gold belongs to God. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. So if you are a child of God and silver and gold belong to God. Donc si tu es enfant de Dieu et l'or et l'argent lui appartiennent. You are an inheritor. Ça veut dire que tu es un héritier. You inherit some. Tu vas hériter. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. But it takes your faith. Mais par la foi. It takes your faith. Ça prend ta foi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, we thank you. Close your eyes. Father, we thank you. We thank you tonight. And I pray, Lord, against any negative thoughts, any bad imagination of the devil, Lord, I bring it down in the name of Jesus. Anybody that who is speaking to, Lord, I silence the voice of the devil in the life of the people. In the name of Jesus Christ, Lord, help their unbelief from tonight. May their faith be activated to receive your blessing in the name of Jesus. Father, I thank you and I bless you. And everyone say amen. Amen. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. You are receiving a blessing. Tu reçois une bénédiction. Angels are coming with blessing. Les anges viennent avec des bénédictions into your life. Dans ta vie. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Before we sit down, avant de s'asseoir, please close your eyes tonight. S'il vous plaît, fermez vos yeux. Si tu es ici, you are not born again. Tu n'es pas né de nouveau. You don't even understand. Tu ne comprends même pas. But tonight, I want you to believe. Mais ce soir, je veux que tu crois. That God is a savior. Que Dieu est notre God sauveur. God sent Jesus to come and save us. Que Dieu a envoyé Jésus pour venir nous sauver. And if you believe tonight, et si tu crois ce soir, you receive salvation. Tu vas recevoir le salut. And when you die one day, et quand tu meurs un jour, you go to heaven. Tu vas aller au ciel. And your life will be totally transformed. Et ta vie sera totalement transformée. If you believe that God has sent Jesus Christ, si tu crois que Dieu a envoyé and you Christ, want to believe it, et tu veux le croire, you don't understand but you want to believe tu it. Tu ne comprends pas mais tu veux croire. Lift up your hand. Lève ta main. And let's pray. Et prions. C'est pas ça. Pasteur, I don't understand what you are saying. Tu ne comprends pas ce que tu dis. But if God, the word of God wants as I said it. Mais si la parole de Dieu l'a dit, I want to believe it. Je veux croire. Pray for me. Prie pour moi. Lift up your hands. If you are that person, lift up your hands. Si tu es cette personne, lève ta main. Lift up your hands. Lève receive salvation tonight. Et je vais recevoir le salut. Before ce we soir. Go, thank you, my brother. Bon, thank you. Merci, mon frère. Thank you. Thank you. You also want to lift up your hands and tu receive salvation. Lève ta main. If you are here, you want to receive it. Tu es ici, tu veux recevoir. God wants to deliver you. Dieu veut te délivrer. From hell. De l'enfer. God wants to save you. Dieu veut te sauver. Father, we thank you. My brother, if you are lifting up your hand, please come forward. Mon frère, si tu as levé ta main, viens. Come, let's pray. Hallelujah. I want you to repeat the prayer with me. Je veux que tu répètes la prière après moi. Répète après moi, dis Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie. Je reconnais que j'ai besoin. Que j'ai besoin de toi. De toi. Je crois que tu as envoyé Jésus. Pour me sauver. Et ce soir, je le reçois comme mon sauveur. Je l'invite dans mon cœur. Qu'il habite et qu'il demeure. Qu'il demeure dans ma vie. Dans ma vie. Seigneur, merci. Pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur, merci pour cette vie nouvelle. Écris mon nom dans le livre de vie. Je vais te servir à partir d'aujourd'hui. Seigneur, merci. Amen. Alléluia, félicitations. Alléluia. Please be seated.